On vit le lion. Tout devint inabordable sur le champ, et les bois parurent agrandis. Ce fut un tremblement parmi les plus hardis, mais, fût-ce en frémissant, de vaillants archers tirent, et sur le grand lion, les flèches s'abattirent. Un tourbillon de dards le cribla. Le lion, pas plus que sous l'orage, au sagne pélion ne s'émeuve, fronça son poil, et, grave, austère, secoua la plupart des flèches sur la terre. D'autres, sur qui ces dards se seraient enfoncés, auraient certes trouvé qu'il en restait assez, ou se seraient enfuis. Le sang rayait sa croupe, mais il n'y prit point garde, et regarda la troupe. Et ces hommes, troublés d'être en un pareil lieu, doutaient s'il était monstre, ou bien s'il était dieu. Les chiens muets cherchaient l'abri des fers de lance. Alors, le fier lion poussa dans ce silence, à travers les grands bois et les marais dormants, un de ces monstrueux et noirs rugissements qui sont plus effrayants que tout ce qu'on vénère et qui font qu'à demi réveillé, le tonnerre dit dans le ciel profond « Qui donc tonne là-bas » Tout fut fini. La fuite emporte les combats, comme le vent la brume, et toute cette armée, dissoute, aux quatre coins de l'horizon semée, s'évanouit devant l'horrible grondement. Tous, chefs, soldats, ce fut l'affaire d'un moment. Croyant être en des lieux surhumains où se forme on ne sait quel courroux de la nature énorme, disparurent, tremblants, rampants, perdus, cachés. Et le monstre cria « Monts et forêts, sachez qu'un lion libre est plus que 1000 hommes esclaves !»